Mon cœur fait boum, bam, cric, crac, pardiac. Mon cœur fait boum, bam, cric, crac, pardiac. Mon cœur fait boum, bam, cric, crac, pardiac. Mon cœur fait boum, bam, cric, crac, pardiac. Mon cœur fait boum, bam, cric, crac. Mon cœur fait boum, bam, cric, crac, diac. Mon cœur fait boum, bam, cric, crac, diac. Mon cœur fait boum, bam, cric, crac, diac.